Il sait plein de choses, il explique très bien. Pendant longtemps, son blog a été une mine d'informations. Un jour, il est passé à la vidéo et on s'est rendu compte qu'il passait aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Il n'a peur de rien et s'attaque à des sujets extrêmement compliqués. Ce soir, la roue libre, nous recevons David Loapre de Science Étonnante et surtout de sa chaîne YouTube du même nom. Et nous sommes le 12 avril 2016, c'est l'épisode 258. Bienvenue! Alors, petit tour de table ce soir, on va commencer par la table virtuelle de direct des États-Unis. Nous avons Irène. Salut Irène. Bonsoir tout le monde. En direct de Paris, pas si loin, mais même de l'autre côté, quoi, à l'est, nous avons Robin. Salut Robin. Salut. Et sinon, ce soir, on a une énorme table physique avec, on commence par les habitués, Pierre. Salut Pierre. Hello. Avec bien sûr notre invité de ce soir, David. Salut David. Salut. Et une dessinatrice ce soir pour nous faire comme une soirée radio dessinée, mais qui est aussi youtubeuse à 16h, Valentine. Bonjour. Et blogueuse. Et blogueuse, et tout, quoi, finalement. Au sommaire de l'émission Roue Libre de ce soir, l'interview de David, la réponse au quiz du mois par Alan, et après le générique, vous aurez un petit bonus d'Alan, c'est le premier chapitre de Planète de Virus de dont on a parlé il y a quelques épisodes. Bon, on commence par l'interview du coup de David, et donc on va pas faire le job pour toi, la première question est parfaite. Qui es-tu? Eh bien, donc je suis David, David Loapre, parce que des fois on me demande mon vrai prénom, parce que donc voilà, je m'appelle David. Pardon ? Ton vrai nom, tu veux dire, du coup. Oui, c'est ça. Non, mais il y a plein de gens qui, par exemple, sur la chaîne, vont pas forcément jusqu'au bout, donc voient pas le nom de l'auteur, donc voilà. Je sais pas, tu veux que je commence Bon, je sais pas, c'était d'abord si t'avais une petite présentation, et sinon on va aller dans les détails, de toute façon, je t'en rassure. Non, bah, en fait, c'est tout à fait la présentation, donc je suis blogueur depuis pas mal d'années, vidéaste moi, noté depuis 2010, c'est ça, peut-être que... Oui, c'est ça, j'ai commencé en août 2010, et voilà, vidéaste depuis un an et demi à peu près. Et depuis peu, écrivain avec un livre, au sens large, écrivain scientifique en tout cas. Ok, et du coup, hors de l'internet mondial, je ne sais pas si tu as le droit de le dire. Oui, non, alors j'ai un autre travail, un vrai travail, à part vulgarisateur scientifique. Donc vulgarisateur scientifique, je fais ça le soir, la nuit, à mes heures perdues. Et donc mon vrai boulot, c'est que je suis chercheur en physique et je fais de la recherche et développement pour une boîte qui s'appelle Saint-Gobain. D'accord, une petite boîte, ça me dit quelque chose. Ouais. Voilà. Ok, donc ouais, on disait que t'étais sur YouTube, t'as depuis peu un livre, je crois que c'est Pierre qui rajoutait. T'as quoi comme prochain projet? Du coup, on passe à Science Étonnante, le film, la pièce de théâtre ou autre, ou déjà là, c'est pas mal? Non, c'est déjà pas mal, parce que comme je disais, je fais ça sur mon temps libre, hein, donc là, mon temps libre est déjà bien, bien blindé. Alors, on a invité pas mal d'autres youtubeurs, donc on a cette fois-ci choisi d'avoir moins de questions très centrées YouTube vidéo, mais plus autour de ta chaîne et puis de ton travail, et on va reparler de l'intervention de Nuance Sens. Première question quand même sur ta chaîne, c'est que je suis hyper étonné de la variété de sujets qu'il y a sur ta chaîne. Et du coup, je me demande si tu as un fil directeur ou si finalement, comme dans ton bouquin, le fil directeur, c'est les questions auxquelles tu n'arrives pas à répondre de tes gamins, quoi. Non, alors c'est pas les questions auxquelles j'arrive pas à répondre de mes gamins, mais c'est donc en fait pas de fil directeur, si ce n'est moi les sujets qui me fascinent et qui me font dire que la science est cool. Et puis c'est vrai que j'essaye de rythmer un peu, donc j'essaye de pas faire trois sujets de physique ou trois sujets de maths d'affilée, voilà, d'alterner maths, physique, bio, voilà. Juste avoir un peu de tout, quoi. Voilà, un peu de tout. Mais du coup, pour chaque sujet, en fait, t'es obligé de te documenter ou t'avais déjà des connaissances un peu variées Alors, il y a pas mal de sujets qui sont des choses que j'ai déjà traitées en blog. Donc, quand c'est le cas au niveau documentation, il y a quand même un peu moins de boulot. Il y a une source plutôt fiable, ton blog. Il y a quelques sujets où là, c'est complètement... Je dois refaire tout le travail de documentation, dont certains, si je prends l'exemple, par exemple, du deep learning ou des ondes gravitationnelles, qui sont des choses que j'ai déjà pu faire dans le passé au boulot, donc où j'ai quand même un petit vernis. Mais voilà, quand je fais une vidéo sur le prion, là, je pars vraiment de zéro. C'est marrant. Et du coup, bah, tu vacilles sur Blogosphère et compagnie, tu essaies de trouver. Et il y a des mauvaises expériences, il y a des sujets où tu te dis, bon, c'est la dernière fois que je me lance dans ce domaine-là, ou... Non, je pense que allez, peut-être la vidéo sur sur le libre arbitre, peut-être je la referai différemment. Mais sinon non, j'ai pas de, je veux dire, il y a de temps en temps je fais quelques boulettes ou je dis une connerie. Ça arrive plus souvent quand je parle de bio que quand je parle de physique d'ailleurs. Mais voilà, pas de mauvaise expérience. Tu peux aller dans le détail justement sur le libre arbitre, quel est le langue que tu avais pris et comment tu penses que tu aurais fait différemment? J'avais pris quand même un angle qui était assez orienté sur l'aspect purement scientifique. J'avais un tout petit peu parlé de considérations philosophiques, mais je n'avais pas trop creusé, ce qui probablement est quand même un peu dommage sur un sujet comme ça. Donc peut-être si c'était à refaire, il faudrait probablement que je bosse un peu plus le côté philo de la chose. D'accord, ok. Peut-être que tu pourras lier avec le deep learning et l'intelligence artificielle, de dire finalement on a découvert qu'il n'y avait plus de libre arbitre, tout est fini quoi. Est-ce que l'intelligence artificielle aura le libre arbitre, elle? Qui sait? Tu voulais, Pierre, poser justement, comme tu as pris la parole, des questions sur le blog. Ouais, qu'est-ce qui fait la spécificité de ton blog par rapport au reste de la blogosphère francophone, à ton avis? Alors, la spécificité, j'en sais rien. Peut-être quelques points notables. Le blog, comme la vidéo, j'ai choisi dès le départ d'essayer de traiter un peu tous les sujets, enfin tous les types de sciences. Je suis pas le seul à le faire, hein, y en a d'autres, mais y a un certain nombre de blogueurs qui vont plutôt se spécialiser dans la physique ou la bio ou les maths. Voilà, moi j'avais envie d'être pluridisciplinaire dès le départ. Et puis sinon, la spécificité, je sais pas, peut-être une chose que je fais beaucoup aussi d'ailleurs dans la vidéo, je sais pas si c'est une spécificité, mais c'est que je fais beaucoup de schémas, j'aime bien faire beaucoup de schémas, d'illustrations, enfin je trouve que c'est un support assez puissant, mais voilà. Non, carrément, les schémas, d'ailleurs, on peut en parler, c'est très très fourni, que ce soit dans ton blog, que ce soit dans tes vidéos, que ce soit même dans ton livre. Et moi, ce que j'ai remarqué, je saute un tout petit peu à certaines étapes, c'est qu'il y avait aussi une police de caractère hyper caractéristique de ton blog. Est-ce que tu peux en faire l'histoire? Je sais pas, je suis peut-être le seul à avoir remarqué, mais pour moi c'est genre c'est la patte science étonnante quoi. Ouais, alors c'est rigolo parce que je le vois comme faisant partie de ma patte, et à la fois très peu de gens l'ont remarqué, ou en tout cas me l'ont fait remarquer. En fait, au début, j'utilisais une police quelconque, et je me souviens d'être un jour tombé sur un schéma, c'était sur Wikipédia, un schéma, c'était un truc de mécanique. Et donc, il y avait ce schéma avec une police dessinée à la main. Et je me suis dit, mais c'est vachement bien parce que ça donne ce côté, je trouve, assez proche, qui est quelque chose que j'essaie d'avoir assez bien dans les vidéos que dans les textes, de voilà, on est là à papoter, et puis finalement, je te fais un croquis sur la nappe en papier du resto, quoi. Ouais. Et du coup, j'aimais bien ça, et je me suis dit, bah, faut que je me trouve une police de caractère à la main. Et puis, les polices classiques ne me plaisaient pas, alors du coup, j'ai cherché une police qui me plaisait, et puis j'ai fini par m'en acheter une, voilà. Et puis, c'est une police dont on pouvait acheter les droits pour $5. Donc c'est carrément un achat, d'accord, ok. Ouais. C'est pour ça qu'on la trouve pas facilement. Voilà, exactement. Et que je tiendrai son nom secret. Et LGJ l'a remarqué, et il adore cette police aussi, pour information, qui est dans la chatroom. Donc on peut parler aussi du succès, c'est aussi la spécificité de ton blog. Il y a 11 322 personnes qui likent ta page Facebook, 3944 qui te follow sur Twitter, c'est vraiment conséquent. Quel est ton contact avec tes lecteurs sur les réseaux sociaux? Alors moi je publie assez peu sur les réseaux sociaux. Facebook, je m'en sers essentiellement pour vraiment donner l'actualité du blog ou de la chaîne. Twitter, je m'en sers aussi de temps en temps pour partager des choses qui m'ont plu, etc. Mais je sais pas, par exemple, combien j'ai de tweets à mon actif, mais c'est pas énorme, donc je communique relativement peu, je pense. Par contre, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et j'essaie du coup de leur répondre autant que je peux. Alors ça, par la page Facebook, c'est par Twitter, c'est par email, c'est sur le blog, c'est sur Tipeee, c'est sur voilà. Donc il y a plein de sources, donc j'essaie de suivre un peu tout et puis de répondre au maximum à tout le monde. Et j'en suis à un stade où c'est encore gérable de à peu près répondre à tout le monde. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'activités sur ton blog en termes de commentaires. Tu en reçois. Je ne sais pas si tu as fait des statistiques, mais en moyenne, combien par billet? Je ne sais pas, c'est difficile à dire, parce que je pense qu'il y en a moins depuis que je fais surtout de la vidéo, mais disons à l'époque où je faisais surtout du blog, je ne sais pas, peut-être 15-20 en moyenne par billet, ce qui est quand même pas mal. Non, mais j'ai une question, mais ce n'est pas pressé en fait. Eh bien, en fait, quand tu étais venu à Lyon Sciences, que tu avais fait un topo là-bas, c'était super intéressant. Et j'avais été assez impressionnée par ta démonstration. Pour nous prouver pourquoi, enfin à ton avis, tes vidéos marchaient si bien par rapport à tes blogs. Et je me dis que ça serait peut-être bien de faire partager les gens ici parce que c'était super intéressant, ouais. En fait. Mais on a prévu là, dans la suite, on va en d'accord. parler. Donc je pense qu'on va finir un peu les questions présentation, oui, oui. Puis après on va parler. On a clairement là sur la suite prévu de parler vraiment de cette présentation de nos sens qui en effet. Ok, donc pour en revenir justement au blog, tu as rejoint le Café des Sciences en 2011. Qu'est-ce que ça t'a apporté, à ton avis ? Ça m'a apporté deux choses, je pense. Plein de d'aides et de commentaires des gens du café, dont tu faisais partie d'ailleurs, dont tu fais toujours partie, mais disons que tu faisais partie des gens qui un peu m'ont poussé à me lancer avec quelques autres. Donc voilà, déjà recevoir le feedback de tous ces gens-là, ça a été vraiment riche. Et puis évidemment, une exposition aussi, parce que quand même le Café des Sciences était un moyen de faire connaître son blog. Donc voilà, j'ai clairement eu un pic de fréquentation qui a commencé à partir du moment où je suis arrivé au Café des Sciences. Ouais, c'est cool. Et non, mais c'était pas pour faire la promo du Café des Sciences. C'est vachement bien, le Café des Sciences. Mais ouais, du coup, dans la communauté, toi, tu suivais déjà des gens du Café des Sciences avant de venir ? Ouais, ouais. D'accord, ok. Oui, de mémoire, enfin voilà, il y avait toi, Docteur Goulu, il y avait Matière Vivante, il y avait enfin voilà les maîtres du genre. moi, c'est un peu marrant, je peux raconter une anecdote, c'est que quand on s'est vu en vrai, on a commencé un peu à retracer justement l'historique du Café des Sciences, et j'étais persuadé, tellement je trouve que le Science Étonnante c'est une brique de la blogosphère, qu'il était arrivé avant moi dans le Café des Sciences, alors que c'est totalement l'inverse, mais Alors maintenant, on peut parler un petit peu des différents billets que tu as sur ton blog. Quel est le billet, selon toi, de blog que tu préfères et celui que tu aimerais bien que tout le monde oublie ? C'est traître, ça, comme question. Alors, il y a un billet que j'ai fait, qui est un peu velu, mais que j'aime beaucoup, sur l'inflation et les ondes gravitationnelles, à l'époque où il y avait eu l'annonce sur... je ne sais pas si vous vous souvenez de cette annonce qui, finalement, a fait un flop sur les ondes gravitationnelles primordiales détectées dans le rayonnement cosmologique. Et donc, j'avais fait un gros billet où j'expliquais ce que c'était que le rayonnement cosmologique, ce que c'était que l'inflation, la polarisation du rayonnement cosmologique, pourquoi on y voyait les ondes gravitationnelles et tout. Et je m'étais vraiment déchiré sur ce billet, et ouais, c'est un dont j'ai un bon souvenir. Mais du coup, on avait déjà trouvé des ondes gravitationnelles ? Non, alors ouais, je peux peut-être expliquer ça à deux minutes. En fait, c'était une la découverte qui était annoncée, qui s'est révélée être un faux, c'était qu'on voyait dans le rayonnement cosmologique des traces des ondes gravitationnelles primordiales, c'est-à-dire des ondes gravitationnelles qui existaient à l'époque où le rayonnement cosmologique, disons, ça a commencé à se propager. Donc si la découverte avait été confirmée, ça aurait été des ondes gravitationnelles, mais ça aurait été la trace d'ondes gravitationnelles qui existait il y a 14 milliards d'années. Donc ce qui n'est pas la même chose que d'observer maintenant des ondes gravitationnelles qui sont en train de nous passer à travers. Ouais, ok. Ok. Et donc, et ton billet que tu veux que tout le monde oublie ? Ouais, parce qu'il a voulu éviter la question quand même. j'ai essayé. Non, je sais pas si j'ai pas souvenir spécialement de billet qui m'ait laissé un mauvais souvenir ou. Puis c'est vrai que j'ai pas forcément relu. Je suis sûr que si je relisais, enfin je sais pas, tu me disais que t'avais relu les premiers là. Je pense que si je relisais les premiers, je me disais. Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à aller voir le premier article. moi, j'ai le premier mois de publication de mon blog, je le laisse, mais si je pouvais passer ça au Karcher sur internet, j'aurais bien content. Non, j'ai pas. Faudrait peut-être que je relise les premiers et peut-être ça me ferait mal, mais voilà, j'ai pas spécialement de mauvais souvenirs. D'accord. Et bien du coup, tu nous en as fait aussi une petite confession quand on s'est vu un tout petit peu tout à l'heure, c'est qu'il y a un billet de blog, le premier billet de blog, en fait, n'est jamais paru. Voilà, exactement. Donc, le premier billet que j'avais décidé d'écrire, c'était sur ce qui s'appelle le sillage de Kelvin. C'est le sillage que laissent les canards ou les bateaux quand on les regarde, les canards sur un lac ou les bateaux vus de haut. Et ce qui est assez amusant, c'est que ce sillage, il fait un angle bien précis, qui est de, je sais plus, 29 degrés ou un truc comme ça. Et cet angle ne dépend pas de l'objet qui est en train de faire le sillage, ne dépend pas de sa vitesse, ne dépend même pas du fait que c'est de l'eau plutôt que... C'est vraiment un truc purement géométrique. Donc c'est un truc vraiment très très étonnant, très joli. Et je m'étais dit, ouais, faut que je fasse... Enfin, je voulais que mon premier billet, ça soit là-dessus. Donc j'ai commencé à l'écrire. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, je comprenais pas suffisamment bien le phénomène. Donc du coup j'ai arrêté et je pense qu'il est toujours dans les brouillons de mon blog, et il se trouve que je l'ai entièrement repris il y a pas longtemps, et il est pas loin d'être fini. Il sera assez velu parce qu'en fait le sujet est quand même assez compliqué, et voilà, j'espère le sortir un jour. Et ça marche avec n'importe quel fluide, genre si on met un canard sur un fluide non newtonien, ça marchera ou pas? Je pense que oui, ça doit marcher. Je pense que c'est indépendant de ça. Il y a un seul truc dont ça dépend, c'est l'épaisseur de liquide. C'est-à-dire que si on se met sur, en eau peu profonde, ça devient plus vrai. Par contre, si on se met en eau profonde, c'est vraiment un truc purement géométrique, quoi, indépendant des caractéristiques du liquide, en du eau, canard, en alcool, n'importe quoi. C'est dingue. D'accord. Ok. Donc c'est quelque chose de géométrique. Ouais, c'est un truc bon, dans arc tangente de un tiers, ou j'en sais rien. On a hâte de lire le premier article de Sciences et Sciences. Quel événement t'a envoyé le signal que ton travail était de qualité? Parce que, par exemple, t'as reçu déjà des distinctions, comme le coup de cœur de l'anthologie des blogs scientifiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui compte pour toi, ou est-ce que c'est tout autre chose qui t'a permis de savoir que... Le truc qui a le plus compté pour moi, c'est quand, je pense à peu près autour du mois de janvier 2011, à l'époque où je me disais, bon, allez vite, que j'ai 6 mois, que je puisse postuler au Café des Sciences, vous m'avez directement proposé vous m'avez contacté pour me proposer de rejoindre l'équipe. Et là, forcément, c'était une forme de consécration. La consécration ultime étant quand même d'être présent ici dans Podcast Science. En fait, j'étais jamais venu. Ah, enfin. Ok, parfait. Que rajouter? Ouais, donc comme disait Irène, j'étais aussi à Lyon Sciences. En fait, on était tous à Lyon Sciences, si je ne m'abuse. Et ta présentation m'a pas mal intéressé parce que c'est des questions qu'on se pose pas mal. Donc pour la situer un peu avant de te laisser parler, tu parlais un peu de ton arrivée sur YouTube et de ce que, en tant que blogueur, tu avais remarqué comme différence, en particulier au niveau de l'audience, au niveau de comment était perçu le contenu, et d'essayer de... cette fois-ci en tant que scientifique, de comprendre comment ça se faisait et d'apporter des explications. Et en particulier du fait que de la vidéo, on commence à se rapprocher quand même sacrément de quelqu'un qui nous parle en direct, quoi. Et donc, tu peux nous en dire deux mots, sans refaire la vidéo, parce qu'elle va reparaître en plus sur YouTube, mais un peu de ta découverte de YouTube en tant que blogueur et... Mes premières découvertes de YouTube du point de vue vulgarisation scientifique, c'était des, par exemple une chaîne comme Experiment Boy. Et quand j'avais regardé ce que faisait Experiment Boy, je me disais, mais c'est génial, mais c'est infaisable. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très produit. C'est-à-dire que là, il y a des manips, il y a beaucoup de montage, etc. Et donc, c'est vrai que je me disais, la vidéo, c'est un super format, hein, comme ce qui passe à la télé. Mais voilà, c'est compliqué, c'est difficile, etc. Pour replacer Experiment Boy, donc, c'est une chaîne où sa particularité, c'est de faire des expériences. Je suis en train de faire les guillemets avec les mains qu'on ne peut pas voir, sachant que, grosso modo, ces expériences, un des critères non avoués, c'est que ça fasse péter son jardin et péter des trucs, etc. Et que, surtout, à pas reproduire chez soi, mais pas le message qu'on voit à la télé quand il y a un peu d'électricité, non, là le truc où vraiment on a peur de le reproduire. Ouais, non, mais genre, c'est la grosse manip. Je vais mettre, je sais pas, 10 fourchettes dans un micro-ondes, encore ça serait une expérience soft de Experiment Boy. Non, mais c'est fortement inspiré des Mythbusters et je pense que ça a sa place aussi sur YouTube. Je pense que ça. Non, mais en plus, il fait ça très bien je veux dire, il explique la science derrière, enfin, si on regarde les dernières qu'il a fait sur les lasers, choses comme ça, c'est quand même bien foutu. Hein. C'est un peu le cours de chimie ou de physique qu'on aurait rêvé avoir. Ouais, c'est hein, clair. Et donc voilà, donc en fait moi mes premières impressions de la vidéo sur YouTube c'était voilà quelque chose de très produit qui était finalement assez proche de la télé entre guillemets. Et j'ai mis du temps avant de comprendre qu'en fait il y avait tout un tas de chaînes qui émergeaient, qui étaient des chaînes où les gens faisaient simplement du face caméra, donc un truc finalement en termes de production beaucoup plus simple que de faire quelque chose de très très monté avec des manips et tout. Et là je me suis dit mais en fait c'est un format qui marche vachement bien et j'avais pas compris la puissance de ce format. Et puis je me suis dit finalement en termes pédagogiques c'est quand même assez puissant parce que c'est ce qu'on disait, ça se rapproche assez de la communication naturelle telle que je l'aurais si j'étais dans un bar en train d'expliquer un truc à un pote. Et je me suis dit que voilà c'était finalement pas si compliqué que ça à faire, que je pouvais essayer de le faire et puis qu'on verrait ce qui se passerait. Et oui, donc tu parlais aussi au niveau de ça, tu disais que YouTube avait brisé plus de barrières et en particulier sur le sens de lecture des gens, etc. Ou, enfin, déjà, enfin, je vais te laisser parler sur ces aspects-là, parce que je trouve que, enfin, pour parler un peu chiffres, on en parle un peu dans Podcast Science chaque année là, à Noël. Grosso modo, les blogs scientifiques au niveau visite, là on parle de blogs qui sont très visités, science étonnante, mais c'est pas la panacée en visite non plus par rapport à des blogs d'actu par exemple. Ouais, c'est clair. Les podcasts audio, nous on en a déjà parlé, on a je crois entre quelque chose comme 6000 écoutes chaque semaine, ce qui pareil est. Quand on compare à du YouTube, les bonnes chaînes, je sais pas combien toi t'as de vues à tes vidéos, mais je crois que genre les ondes gravitationnelles qui a bien marché, t'avais 150 000 vues. Ouais, sur l'ordre de grandeur. Et c'est ouais. Une petite, et parmi les chaînes scientifiques, il y a encore plus. Ouais, bien. Il pensait, je sais plus combien il fait, mais qui tourne. Il est plutôt en au-dessus de 500 000. Mais on est dans les centaines de milliers, donc c'est des chiffres qui sont beaucoup plus élevés et qui sont assez étonnants, qui font même dire à la télé, à la vieille télé de nos jours, c'est pas des vrais gens qui regardent, c'est des faux chiffres, etc. Et c'est ça que tu essayais de comprendre, de te dire comment ça se fait et est-ce que... En fait, je proposais un peu deux explications. Une qui est donc le fait que finalement, c'est un mode de communication qui est plus naturel que d'aller lire un blog. Et donc c'est peut-être plus facile de faire passer des messages quand on fait ça. Et puis l'autre explication, c'est que finalement, quand on regarde une vidéo, on est un petit peu captif parce que quelque part, on perd un peu sa liberté, on n'a pas d'autre choix que de laisser se dérouler la vidéo. Alors on peut jouer avec l'avance rapide, mais enfin bon. Et moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé parce que je suis un peu un ayatollah de la pédagogie et je réfléchis énormément, quand j'écris mes billets, je réfléchis énormément à ce que j'écris. Pour moi, la pédagogie scientifique, c'est un peu de la chirurgie. C'est-à-dire que chaque truc doit être parfaitement sous-pesé, machin. Et en fait, sur le blog, je sous-pèse chacune de mes phrases, chacune de mes virgules, et puis les gens, ils arrivent, puis ils lisent n'importe comment. Alors que sur la vidéo, quelque part, ils sont obligés de me laisser dérouler mon truc au rythme où j'ai décidé de le dérouler. Et je pense que, du coup, ça aide à l'efficacité pédagogique. Du coup, c'est moins actif. Le spectateur est moins actif, probablement, que sur un blog ou dans un bouquin. Mais du point de vue de dérouler l'explication pédagogique, je pense que c'est plus efficace. Mais alors, du coup, c'est quoi l'intérêt de continuer à bloguer? Bonne question. Alors moi je blogue moins depuis que je fais des vidéos, principalement par manque de temps, parce que j'ai continué à faire quelques billets de blog. Du coup, je me lâche un peu plus sur des trucs qui sont d'un niveau, on va dire, un petit peu plus élevé. J'hésite pas à aller un petit peu plus dans les détails, surtout par exemple quand je fais de la physique quand je parle de physique fondamentale, ce qui est mon sujet au départ. Donc du coup, j'hésite pas à essayer d'aller plus loin. Et puis je pense que clairement le public est aussi un peu différent. Moi, je reçois des tas de messages de gens qui me disent que c'est sympa les vidéos, mais eux, ils préféreraient le blog, quoi. Donc, ouais. Donc non, il y a clairement un public pour le blog. Et là-dessus, justement, sur les allers-retours, cette expérience vidéo qui maintenant a un an et demi, est-ce que ça a changé ta façon de bloguer ? Non, j'ai pas tellement l'impression que ça ait changé ma façon de bloguer, si ce n'est le fait que, encore une fois, je me lâche un petit peu plus, c'est-à-dire que là où avant j'aurais pris une tonne de pincettes pour introduire une équation différentielle, maintenant si j'ai besoin d'introduire une équation différentielle dans le blog, j'y vais, quoi. Je pars du principe que le lecteur qui prend la peine de... Enfin voilà, que le lecteur qui va pas voir les vidéos ou qui veut plus que les vidéos et qui du coup vient lire le blog, on va dire que ça va pas lui faire peur si je balance une équation différentielle. Et du coup, dans la continuité là, de pourquoi continuer à bloguer, et du coup, en milieu de la vidéo, c'est plus efficace, tu sors un livre qu'on doit aller acheter, puis après, qui fait 180 pages à lire. Ouais, alors, donc, déjà, le livre sort, est sorti il y a 2 mois, mais en fait, c'est une histoire plus ancienne que ça. J'ai commencé en fait, à l'écrire il y a 2 ans et demi, donc avant que je commence à faire des vidéos. Et clairement, là, c'est pareil, je pense que c'est encore un rapport différent entre le lecteur et puis l'auteur, qui est un truc, à mon avis, encore un peu différent du blog. C'est pareil, il y a peut-être un peu plus de... Le lecteur est peut-être un petit peu plus impliqué que ce qui serait dans le blog. Pareil, ça s'adresse probablement à un public aussi qui peut être éventuellement différent. Je pense qu'il y a des gens qui n'iraient pas voir les vidéos, qui aimeraient lire le livre, mais voilà. Mais ceci dit, je remarque par exemple un truc qui m'a choqué, j'étais au Salon du Livre il y a quelques semaines, il y a énormément de bouquins de vulgarisation scientifique. C'est, franchement, des fois je me demande, est-ce qu'il y a vraiment tant de gens qui sont intéressés par lire ces trucs, quoi. Et ça m'a donné un peu une impression de saturation. Et honnêtement, je me suis dit, finalement, tout a déjà été écrit. Et tu penses que, justement, ça m'intéresse, puisque tu dis que ce projet il a été initié avant que tu lances ta chaîne. Ouais. Est-ce que tu penses que maintenant, tu te lancerais à lancer ta chaîne vidéo ton livre, maintenant. Ouais. Mine de rien, je veux dire, faire un livre pour un... ça reste quand même quelque chose de... ça fait quelque chose, quoi. C'est un peu un rêve de gosse, entre guillemets. Donc non, pour le pour la beauté de la chose, ça reste un truc particulier. Après, c'est sûr que du point de vue de... Enfin, je veux dire, comme beaucoup de vulgarisateurs scientifiques, je me sens un peu une mission, quoi. Et je pense que, quelque part, je remplis plus ma mission en faisant des vidéos qui touchent un public plus large qu'en écrivant un bouquin. Mais après, encore une fois, c'est un public différent, etc. Mmh. Un élément que tu as abordé aussi à Lyon Science, je vais y arriver parce que j'ai perdu la fin de ma question. Bon, alors avant la fin de ma question que j'avais pas notée, bien sûr, je vais poser la suivante. On avait déjà reçu Mick Matt qui lui commence à faire avec la vidéo des expériences un peu mixtes, c'est-à-dire vidéo plus expérience sur son site par exemple. Je sais pas ce que t'en penses et si t'envisages des choses du genre. Non, pour l'instant, j'ai rien envisagé de ce genre-là. En tout cas, un truc un peu interactif comme ça. Ce que j'ai un tout petit peu fait, mais c'est vraiment très très léger, c'est de faire des manips. J'ai une ou deux vidéos où je fais des petites manips. Mais c'est pareil, en termes de logistique, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Donc je le ferai peut-être ponctuellement, mais ça va pas rester. Enfin, ça sera probablement pas le truc dominant. Tu vas participer à Vulgarisator 3.0 en fin de semaine, le samedi. Ouais, c'est samedi, ouais. Le samedi 16 avril, pour ceux qui donc qui nous écoutent dans un an. Et sinon, ce sera trop tard, probablement. Donc, ce sera en compagnie de Florence Porcel, de Ben de Nota Bene, Linguisticae et In the Panda. Est-ce que tu peux nous spoiler un petit peu ta présentation? Oui, je vais vous spoiler un peu ma présentation. Je vais parler du Big Bang, parce que ce que je disais tout à l'heure, en fait, ma spécialité, ma formation au départ, c'est la physique fondamentale. Et donc voilà, c'est un peu mon sujet de prédilection, donc je vais parler de ça. Et je vais plus spécifiquement me demander si le Big Bang a vraiment eu lieu. Ouh. Attention, ça c'est du spoil. Ça c'est, enfin c'est pas du spoil, c'est du teaser. C'est ça. Ouais, je vous donne pas la réponse tout de suite. Je me souviens, bon pas en détail, mais je me souviens un peu sur quoi je voulais. Ça fera parfaite fin sur cette partie-là. Sur Lyon Science, bon, ce qui nous a tous un peu parlé, je pense, c'est que t'as fini un peu ta présentation en abordant le fait que finalement. Cette communication entre humains un peu en tant qu'espèce avait quasiment besoin de cette communication à la fois visuelle, etc. Et en particulier, finalement, tu donnais quasiment une valeur supérieure au format vlog qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire où on se filme en train de parler, qui peut paraître au premier abord, je pense qu'on a un peu tous eu ce réflexe, un peu stupide, où on se dit pourquoi faire de la vidéo pour voir un mec parler, quoi. Et je sais pas si tu as deux mots à rajouter là-dessus. Ouais, bah c'est un peu ce que je disais au départ. C'est-à-dire que moi, les premières vidéos que j'ai vues qui n'étaient pas sous ce format-là, des trucs du style ce que fait un peu Veritasium ou ce que fait Experiment Boy, je me suis dit, ok, ça c'est pas jouable. Et quand j'ai vu les premières vidéos un peu de ce format vlog, ma première réaction, c'était ça. Ça a été de me dire, bah, moi, forcément, je vois pas très bien l'intérêt. Puis après, en avoir vu quelques-unes, je me suis dit, mais c'est hyper puissant sur le plan pédagogique parce qu'il se crée cette connexion entre l'auteur et le spectateur. Et je pense que cette connexion, enfin c'est l'argumentaire que je développais un peu à Lyon Science, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que par exemple le format écrit, parce que ça fait passer tout un tas d'émotions qui sont dans l'intonation de la voix, dans le regard, dans les gestes, dans les choses comme ça, qui font que ouais, il y a vraiment une connexion forte qui se crée et qui permet de faire passer des messages qu'on ferait passe moins facilement, en tout cas, un format purement écrit. Et donc, c'est vrai que je terminais ma présentation en disant à tous ceux qui voulaient se lancer dans la vulgarisation scientifique en format vidéo de y aller en face caméra. C'est pas facile, hein. Les premières fois où on se filme 5 minutes tout seul devant la caméra, c'est le pire moment de sa vie. Et c'est dur et c'est plus risqué et tout, mais c'est tellement plus puissant. Donc voilà. Quand les voisins regardent, ils parlent au mur. Cela dit, la première fois qu'on s'enregistre, qu'on parle tout seul sans se filmer devant un ordinateur, on se sent pas beaucoup mieux, je pense. Mais je garde un souvenir assez effrayant de ma première émission de podcast science. Mais ouais, juste pour finir là-dessus, pour continuer, il y a une chose qui m'a frappé, c'est tous les événements qui sont organisés comme ça, du style vulgarisateur ou je ne sais plus auquel autre je pensais, mais où il y a des vidéos comme ça sur Internet qui circulent. Il y a un côté que je trouve amusant, je ne sais pas exactement dire ce que j'en pense, mais pour l'instant je trouve juste ça amusant, le côté un peu starification, quoi. C'est-à-dire que effectivement il y a le côté on voit la personne, et je pense que dans les choses qui font que ça marche, il y a l'attachement, exactement comme on voit le phénomène à la télévision où il y a des gens qui disent machin, je le connais parce que je l'ai vu à la télé, quoi. Et je pense qu'il y a ce côté aussi qui intervient. On arrive à faire venir des gens. Ce que je trouve assez amusant, c'est ça. On arrive à faire venir des gens sur scène qui se font applaudir comme si c'était des rockstars, quoi. Alors qu'ils sont là pour parler de science. Et c'est assez perturbant. C'est un truc auquel Moi, personnellement, quand il y a des gens à Lyon Sciences qui sont venus me voir et qui voulaient absolument prendre une photo avec moi ou que je leur signe un truc, j'ai pas compris, quoi. Mais je pense que ça fait partie de ce qui fonctionne, quoi. Avec les vidéos. Ouais, il y a un côté identification ouais, qui est assez présent, parce qu'on le voit aussi sur YouTube, mine de rien, il y a pas mal de chaînes qui font aussi de la voix off, mais qui, j'ai l'impression, n'ont pas le même impact qu'en effet ces vidéos incarnées, quoi. Ouais, ouais. En fait, bon, il y a quelques exceptions de très bonnes vidéos qui sont en format voix off. Ouais, genre Minute Physics. Voilà, il y a Minute Physics. Justement, moi, j'étais en train de réfléchir que je trouve qu'il y a pas mal, finalement, de contre-exemples à ça, même en vidéo francophone. Link the Sun, la plupart de ces vidéos qui sont très, très populaires. Link the Sun, il est incarné, les gens savent ouais, derrière ça. Ouais. Pas au début. Et pourtant, sa chaîne a bien fonctionné au début. Je pense que... Il y a potentiellement une facilité qui est offerte à ceux qui font du facecam, mais c'est pas le clou, c'est pas la finalité de ça. Mais par contre, la starification, ça, je pense que ça, c'est un bon truc à creuser. Parce que, bah, tu vois, il y a des animateurs de radio qui ont été super populaires, la plupart des gens ne les connaissaient pas visuellement. Mmh. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait quand même ce phénomène de starification derrière qui faisait qu'après, ils pouvaient déplacer des foules, etc. Donc, je me demande en quoi... C'est vrai que tu as aussi toutes les vidéos top, la plupart n'ont pas de visu et qui fonctionnent très bien, quoi. Ouais, les vidéos BuzzFeed, ça fonctionne aussi, quoi. Vous pouvez parler français de temps en temps ou... Excusez-moi, hein. Je suis là pour rappeler qu'il y a des gens qui vivent encore au XXe siècle, excusez-moi. Mais c'est vrai que quand j'ai fait le podcast sur les œufs, que j'ai enregistré ma partie, au début j'étais partie pour faire une vidéo et me filmer, mais j'ai pas pu, hein, effectivement, j'ai pas réussi. Hein. C'est dur, hein. Moi la première fois où je l'ai fait, j'étais... c'était dur, un grand moment de solitude. Des grands doutes, oui. Bah du coup, on peut parler un petit peu du format vidéo. À quoi ressemble ton travail pour réaliser une vidéo, peut-être au tout début et maintenant ? Alors, ça n'a pas tellement... En tout cas, le flux de production, si on l'appelle comme ça, n'a pas forcément tellement changé. Il y a généralement d'abord une phase de recherche, alors qui est plus ou moins longue, suivant que je parle d'un sujet que je connais très bien, ou alors d'un sujet sur lequel je ne connais rien. Et donc généralement, alors moi je fonctionne beaucoup, je suis très analogique, je fonctionne beaucoup papier crayon, donc je passe mon temps à griffonner, à dessiner, à faire des trucs comme ça. Voilà, au bout d'un moment émerge un plan. Alors ensuite, j'ai une manière de procéder, c'est que j'écris complètement le texte en identifiant déjà dès le départ où sera la voix off, enfin où seront les animations, disons, qui seront du coup serviront un peu. Enfin, avec une sorte de voix off, et puis où sera la partie vraiment purement face caméra. Et alors, j'écris mon texte complètement, mais je ne l'apprends pas. Ce qui fait qu'ensuite, quand je tourne, je sais de quoi je vais parler, mais mes phrases ne sont pas complètement prêtes non plus, ce qui, je pense, permet de garder une forme de spontanéité, ce qui, du coup, me donne quelques tics de langage dont on me fait régulièrement part, mais je m'en fiche. Enfin, je veux dire, je pourrais les corriger, mais du coup, je perdrais quelque chose, je pense, si j'essaie de les corriger. Y compris pour la vidéo sur les ondes gravitationnelles, où tu disais c'est moins préparé que d'habitude. Ben, la vidéo sur les ondes gravitationnelles, j'avais écrit... 4-5 items sur une feuille de papier un quart d'heure avant. Parce que ça faisait très structuré comme vidéo, pas préparé du tout. Ouais, non, mais alors pour le coup, c'est encore une fois, là j'étais un peu dans mon domaine de spécialité, donc je savais très bien comment je voulais la raconter. Donc il suffisait juste que je. Bah, de toute façon, je veux dire, elle a été tournée en un quart d'heure, montée en très peu de temps aussi, parce que du coup, j'avais pas de coupure, donc j'avais juste rajouté quelques images. Donc, c'était. Et pareil, les deux vidéos que j'ai fait en format un peu improvisé, c'était ça. C'était, j'avais écrit quelques items sur une feuille de papier et puis c'est parti, quoi. Et tu penses que tu fais combien de prises environ pour chacun des segments que tu enregistres ? Tu le fais en flux continu ou... Alors la manière dont je fais, c'est qu'en fait, du coup, pour une vidéo normale, hein, je ne parle pas des celles où je fais en une seule prise, mais pour une vidéo normale, je lance ma caméra... et puis chaque segment, je le fais entre une et trois fois typiquement. Des fois, j'ai du mal et je suis obligé de me reprendre 5-6 fois, mais voilà, c'est à peu près à l'ordre de grandeur. Donc du coup, alors si je parle un peu des durées, la phase d'écriture, c'est facile, 5-6 heures de boulot. Le tournage, ça va assez vite, hein, en général, en une heure et demie, c'est bouclé. Et puis après, la phase de montage peut être assez longue parce que bon, j'aime bien faire des animations, donc ça peut prendre tout de suite 6-8 heures, facile. Et pour ceux qui veulent se lancer, tu utilises quoi comme matériel pour pouvoir faire tout ça ? Alors, pour la vidéo, donc j'ai commencé en fait. C'est une longue histoire. Ouais, c'est une longue histoire. Donc j'ai commencé avec un appareil photo que j'adore, qui est un Fuji X100, mais qui fait des superbes photos, mais qui est pas du tout fait pour faire de la vidéo. Mais voilà, j'ai commencé avec les moyens du bord. J'ai commencé avec le classique micro cravate avec lequel tous les youtubeurs commencent, c'est-à-dire le ATR3350 qui coûte 30 euros et qui fait un excellent boulot pour son prix. Voilà, je montais sur iMovie. Et puis je fais mes animations en vectoriel avec Inkscape que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis longtemps, enfin que j'utilisais déjà à l'époque du blog. Voilà, depuis au niveau matos, je me suis un peu upgradé et donc maintenant je filme avec un réflexe et voilà, je monte sous Final Cut Pro. Très bien. Et la musique du générique, pour ceux qui l'auraient noté, est signée David Loapre. Absolument. Tu joues donc de la guitare, d'autres instruments? Est-ce qu'il y a un groupe Science et Tenote et Rock'n'Roll? Alors, il y eut de nombreux groupes quand j'étais plus jeune. Est-ce qu'il y a un album Science et Tenote prévu? Il n'y a pas d'album prévu, mais enfin non, j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais plus jeune. Et donc, ouais, je fais principalement de la guitare, je fais un peu de piano et j'ai fait aussi de la basse et de la batterie. Donc voilà, c'est une longue histoire d'amour entre moi et la musique. Et donc voilà, au moment où il a été question de faire ça, je me suis dit, il faut quand même que je fasse un petit générique. Et puis je me suis dit, je vais le faire moi-même plutôt que de prendre une musique libre de droit. Et donc voilà, j'ai branché ma vieille Stratocaster, ma pédale Wah-Wah, et c'est parti. Donc une chaîne musique de Science Étonnante ou de David Loapre, ça vient bientôt ou... Non, mais par contre, c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de sujets où, quand j'avais fait par exemple les couleurs, je m'étais amusé à prendre l'analogie avec la musique. J'aimerais bien peut-être un jour faire une vidéo sur les mathématiques et la musique. Donc voilà, c'est vrai que du coup, c'est un sujet que j'aime bien. Ouais. Il y a un côté... J'étais sûr que t'allais réagir, toi, là-dessus, tiens. Non, mais pas tellement sur mathématiques. Bah, c'est très bien, bon, ça m'intéressera beaucoup, je regarderai, parce que forcément, c'est des sujets qui m'intéressent. Mais je trouve que c'est plutôt physique et musique qui est finalement intéressant à creuser que vraiment mathématiques et musique. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Bref, je serais très intéressé de savoir ce que tu faisais, ce que tu ferais. Non, mais Je ferais la célèbre égalité 3 puissance 12 égale 2 puissance 19. D'accord, ça c'est important. Oh, la blague de nerd, les enfants. Excusez, j'en parlais dans l'émission Math et Musique, hein. Pas comme ça, mais enfin, non, ce que je trouve assez amusant, c'est le côté, c'est un côté, très complexant, je trouve, du mec parfait, quoi, c'est-à-dire qu'il fait de la photo avec un appareil photo de dingue, il doit faire des super photos, il fait de la musique, des trucs de fou. Bouquin, parce que ces gamins aussi, ils sont parfaits. C'est quoi? Son bouquin décrit aussi une vie parfaite, donc en fait... Enfants, ouais. D'accord, ok, ouais, non mais voilà. Il y a des enfants qui te disent « Papa, est-ce qu'il y a plus d'étoiles dans le ciel ou de grains de sable sur les plages de la Terre ?» Ouais, voilà. Non, donc c'est quand même quelqu'un, voilà, je... Mais le truc qui est terrible, c'est que tu es malgré tout sympathique, alors ça c'est assez agaçant. Non, plus je me force, je me force. Ouais, c'est ça. C'est devant le micro, c'était un vrai sale type juste avant d'allumer l'émission. C'est encore plus agaçant. Mais non, ce que je voulais dire plus sérieusement, c'est que je trouve que tu n'as pas le... Comment dire sans vouloir du tout dire de mal de personne, attention, parce que ce que je vais dire est extrêmement casse-gueule, mais ce que je trouve plutôt reposant avec Tonton, c'est qu'il y a un côté... Tu te la joues pas ce que t'es pas, quoi. C'est un côté, je trouve, très reposant. Tes vidéos, je trouve qu'il y a un ton et un rythme. C'est quelque chose auquel je pense régulièrement au boulot aussi. Je pense que dans le genre de métier qu'on fait, enfin, toi, c'est pas ton métier, mais ça devient un métier quand même. Il y a un côté, on veut en faire toujours plus, on veut en faire des tonnes, on fait des têtes de fou, on fait des gestes de fou. Et je trouve que finalement, ce côté posé, ce côté très calme que tu as, a un côté extrêmement reposant. Et ça me fait vachement plaisir, en fait, que ça fonctionne. Ben non, tout le monde va dire que je parle tout le temps des bars, mais c'est vraiment quand j'essaie de faire ça, je me mets vraiment dans la perspective. Je suis en train de discuter science au bar, qui est une de mes activités favorites, et du coup, c'est vrai que mes vidéos sont pas scénarisées dans le sens où voilà, j'ai pas forcément construit des personnages ou des choses comme ça, mais voilà, c'est vrai que enfin c'est plus parce que j'avais envie de le faire comme ça, donc je suis content que ça marche aussi et que ça plaise. Oui, non, mais c'était non. Dans le genre débit, 3 mots à la seconde, etc. C'était plutôt à ça que je pensais, où t'es pas là dedans, quoi. Non, mais j'essaie d'être aussi naturel que possible, même si c'est pareil, si tu t'amuses à comparer, par exemple, les vidéos que j'ai faites en format que j'appelle à chaud, où donc je fais une seule prise sans coupure, c'est sûr que je suis encore plus naturel dans ces vidéos-là que dans les vidéos que je monte, quoi. Mais voilà, j'essaie de rester spontané et tout. Mais je pense que c'est aussi parce que tu restes naturel, mais tu as une bonne nature aussi. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout. Non, mais il n'y a pas du tout. Qu'est-ce que tu entends par là ? C'était le moment compliment. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'arrogance. Il y a pas... Et ça, c'est vrai que c'est vachement plaisant. Hein. On en parle juste après de la partie arrogance, justement. Ah, mais moi, je rate toujours le coche, quoi. Je rigole, Irène, c'était une blague. Oui, parlons chiffres. Tu as maintenant 112 900. Je vais vérifier tout de suite que c'est ouais, 112 942 abonnés sur YouTube. Comment en es-tu arrivé là ? Hein, on veut des noms, on veut savoir. 113 022 abonnés. Ça va vite, hein. Et est-ce que ça change la donne pour toi ? Alors, comment j'en suis arrivé là ? En fait, l'histoire, elle est, je pense, relativement classique, à une différence près, c'est que, en fait, j'ai eu la chance, comme j'avais déjà un historique de blogueur, même si on l'a dit, les audiences de blog ne sont pas celles de YouTube, le fait d'avoir l'audience du blog m'a donné déjà un petit coup de pouce au départ, c'est-à-dire que je pense que très vite, j'étais à 2-3 000 abonnés. Et puis ensuite, ça a été une période de croissance... plus ou moins régulière, voilà, il y a des vidéos qui ont mieux marché que d'autres, qui ont été plus partagées. Il y a un truc, je pense, qui joue beaucoup, que je pense est essentiel et qui était un truc aussi que je considérais comme essentiel sur le blog, c'est la régularité. Quand j'ai commencé à bloguer, je me suis dit, un article toutes les semaines, c'est parti. Et je me suis tenu à ça pendant à peu près, 5 ans. Une semaine. et quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis dit, allez, une vidéo toutes les deux semaines, et voilà. Et alors, ça peut paraître se mettre un peu des contraintes, mais en fait, c'est aussi ce qui permet de rester motivé, de soutenir la croissance. Et vraiment, c'est pareil, s'il y en a qui veulent se lancer, c'est un conseil que je vous donne, hein. Fixez-vous un rythme, et puis il faut s'y tenir. Ouais, non, c'est vrai. Oui, c'est ça, vrai, on en a bien besoin. Tout, hein, ouais. Ça rejoint des grandes discussions de podcast oui. Science. Nous, pour l'instant, on tient le rythme. La longévité, quand même, pour l'instant, c'est exceptionnel. On va parler un peu diffusion des sciences. Alors, pas des tonnes, parce qu'on a déjà beaucoup parlé dans les roulis précédentes, mais un tout petit peu quand même. D'abord, une question bateau, mais qu'on aime bien, parce qu'on aime bien entendre les réponses de chacun, c'est pourquoi c'est important de diffuser les sciences ? Oula, mais attends, là, ça va être plus... Je peux passer un moment à essayer de répondre à cette question. Alors, je vais essayer de faire la réponse courte. Je pense qu'on vit clairement dans une société qui a un espèce de désamour pour les sciences. Je veux dire, les sciences, c'est vu comme compliqué, c'est vu comme un peu castrateur, parce que c'est un mode de sélection à l'école, etc. Et du coup, il y a une espèce de désamour du public, enfin, en tout cas, en apparence, pour la science. Et c'est un peu dommage, parce que... La science et la technologie sont partout et on se retrouve finalement à se dire qu'on rate potentiellement plein de choses. Donc je pense que c'est hyper important d'essayer de remonter un peu l'image de la science et voilà. Et puis je pense qu'il y a aussi peut-être un objectif encore plus ambitieux, je ne sais pas dans quelle mesure je peux y contribuer, mais je pense qu'il y a aussi une crise des vocations scientifiques. Et voilà, et je me dis que si avec le travail que je fais et que d'autres font, on peut ne serait-ce que créer quelques vocations supplémentaires, c'est un truc, je pense, formidable. Moi, quand j'ai des gamins de 15 ans qui m'écrivent en me disant « je veux devenir astrophysicien, est-ce que tu peux m'expliquer comment t'as fait, machin ?» Je me dis mais c'est extra, quoi. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, parce que je me suis absenté 5 secondes, mais tu parlais justement dans ton livre de ce paradoxe d'attribuer au terme culture uniquement des notions d'art, d'histoire, ouais. De science, enfin même pas de science, et que voilà. La culture scientifique est absente. On a l'impression, oui, que la culture scientifique, c'est un truc qui est disjoint de la culture tout court. Même au sens large, c'est-à-dire qu'à l'école, il y a aussi ça qui est vrai sur l'histoire. Dans l'histoire, on n'a pas d'histoire des sciences. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est quelque chose de très ancien. Enfin, je pense que je l'avais déjà cité à l'antenne, mais il y a un bouquin qui date des années 70, c'est vraiment pas neuf, quoi. Je sais plus le titre. C'est d'actualité pour toi, ça, non? Ouais, c'est ça. non, mais dans lequel il y a la petite histoire qui résume bien la situation et je trouve qu'elle est bien à raconter à tous les gens qui ont du mal à comprendre ça. C'est vous êtes en soirée, vous dites que vous connaissez pas Shakespeare, vous êtes un plouc. Vous êtes en soirée, vous dites que vous connaissez pas le second principe de la thermodynamique, vous êtes quelqu'un qui s'intéresse pas aux sciences. Et c'est quelque chose qui est complètement encore vrai aujourd'hui, et c'est vrai que le Palais des Découvertes, par exemple, c'est clairement un lieu où on essaye de combattre ça au quotidien, et on se rend compte au quotidien que c'est pas simple, notamment parce que le ministère de la Culture dont on dépend ne considère pas que la science fait partie de la culture, quoi. Et pourtant, je vais peut-être rajouter un truc que tu as écrit et que peut-être tu t'es pas rendu compte, c'est que juste après de parler ce paradoxe du fait que quelqu'un a de la culture n'est pas nécessairement quelqu'un qui a de la culture scientifique, tu disais par contre qu'il y avait moins de personnes qui cherchaient à être savants. Et moi, ça m'a fait tout de suite réfléchir sur le terme savant. Je ne sais pas vous, mais moi, quand on dit que quelqu'un est savant, généralement, je l'associe ça plutôt à du savoir scientifique qu'autre chose. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que le terme savant, effectivement. Et je me demande si c'est justement pas ça la distance qui s'est créée entre culture et science. C'est que les personnes qu'on envisage comme quelqu'un de savant, c'est quelque chose qui est pratiquement inatteignable. Et si on l'associe tellement avec la science, est-ce que c'est pas justement ce paradoxe qu'on voit et qu'en France particulièrement, on a essayé de mettre une distance entre voilà, les scientifiques, c'est pour l'élite, et puis voilà. Oui, et puis en plus, ça apparaît comme un truc effectivement inaccessible. Et ce qui est fou, moi, c'est un truc qui me rend triste, c'est par exemple de voir que, bon, clairement, on vit dans un pays où y a quand même une certaine forme de sélection à l'école qui se base beaucoup sur la science. Et de voir que des gens qui ont fait des études où ils ont été pendant longtemps sélectionnés par la science finissent par en être dégoûtés et faire autre chose. Et donc aujourd'hui, et voire même avoir aucune culture scientifique. Ouais. Et du coup, de se dire qu'aujourd'hui, les décideurs, pour le dire comme ça, c'est-à-dire que les gens qui vont être à la tête de l'État, des grandes entreprises, tout ça, ont finalement, pour un certain nombre, en fait, perdu ce contact avec la science qui, pourtant, à un moment donné, ils maîtrisaient, puisque c'est un peu ça qui les a sélectionnés. Voilà, ça me rend un peu triste, parce que je me dis, c'est des gens qui ont perdu ça, et c'est dommage, parce que voilà, ça serait intéressant qu'il y ait un peu plus de conscience de l'importance de la culture scientifique pour tout le monde. Donc sinon, après, donc t'as un profil qui est pas très classique pour un youtubeur, qui est beaucoup plus classique chez les blogueurs, en fait. C'est-à-dire que t'as un métier à côté qui te fait vivre, t'as pas spécialement vocation à vivre de YouTube. Et du coup, je me demandais comment cette activité scientifique s'inscrit dans ton travail, ou s'inscrit juste pas. Est-ce que tes collègues le savent? Est-ce que tu fais des fois des contenus pour tes collègues? Est-ce que... Alors, en fait, c'est pareil, c'est une longue histoire. Quand j'ai commencé à bloguer, j'ai blogué de façon anonyme, parce que je voulais surtout pas que ça se sache et tout. Puis voilà. Puis j'ai fini par pas spécialement m'en cacher, mais pas spécialement faire la pub non plus. Ça a fini par se savoir, évidemment. Et puis ensuite, quand je suis passé au format vidéo, c'est un peu passé inaperçu. C'était l'époque où j'étais aux États-Unis, donc mes collègues étaient des gens qui regardaient pas de vidéos en français, etc. Et puis là, voilà, depuis mon retour en France, c'est clairement quelque chose qui est bien connu. Je pense que la plupart de mes collègues regardent ça avec bienveillance et plutôt avec intérêt. Je suis sûr qu'il y a des gens qui trouvent ça ridicule, mais ils me le disent pas probablement. Donc voilà. Donc non, c'est ce qui est amusant, c'est que c'est quelque chose qui est quand même assez disjoint de mon activité de mon travail, mais c'est pas non plus totalement disjoint, parce que voilà, ça reste de la science. Voilà, j'ai un métier scientifique, donc non, je pense que c'est plutôt bien perçu, et voilà. Parce que j'avais cru comprendre en travaillant sur toi avant l'émission qu'une partie de ton boulot était justement de faire de la sensibilisation scientifique au sein de l'entreprise, donc tu te sers pas du tout de ce que tu peux faire dans ton métier de vulgarisateur pour ce boulot là en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une part. Donc bon, alors, moi je suis responsable scientifique d'un centre de R&D, et donc voilà, mon boulot c'est de effectivement faire de la sensibilisation scientifique, aider les gens dans les projets où il y a un contenu scientifique un peu plus musclé, aider à la transversalité pour faire le pont entre les différentes disciplines, etc. Donc c'est sûr que je pense que dans mon vrai travail, si je l'appelle comme ça, j'utilise un certain nombre de compétences qui sont éventuellement un peu les mêmes que celles que j'utilise dans mon travail de vulgarisateur. Donc c'est, voilà, c'est un peu relié quand même, ouais. Ok. Tu voulais poser une question sur le compte Tipeee, Pierre ? En effet, ça peut, ça peut contribuer à comprendre un tout petit peu comment tu fonctionnes. Tu as un compte Tipeee et ouais. Est-ce que tu penses qu'à terme, cela pourra être la principale source de revenus ? Parce que quand même, il récolte plus de 500 euros. Est-ce que si à terme, tu arrivais à avoir un salaire vis-à-vis de ça, tu envisagerais de changer ? Ou est-ce que c'est comme ce que... Il semblerait que tu le consacres pour maintenant uniquement dédié au fonctionnement de tes vidéos. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis dit je vais pas les monétiser parce que bon, de toute façon, j'ai un boulot. Puis quel est l'intérêt de monétiser ces vidéos quand on va faire 12 vues pour gagner, je sais pas quoi, 12 millimes d'euros. Non, mais je veux dire même tu vois 1000 ou 10 000 vues. Hein, enfin, tout le monde connaît à peu près les ratios. Hein, donc clairement, voilà. Donc en fait, du coup, à l'heure actuelle, je sais pas si ça va rester comme ça toute ma vie, mais c'est vrai que mes vidéos sont pas monétisées. Et le seul truc que j'ai fait, c'est qu'au bout d'un moment, quand j'en avais eu vraiment trop marre d'utiliser mon appareil photo qui ne pouvait filmer que 10 minutes, je me suis dit, bah voilà, tiens, je pourrais créer un compte Tipeee pour m'aider un peu à renouveler mon matos et puis améliorer la qualité et la logistique de mes vidéos. Et donc voilà, c'est dans cette idée-là que j'ai créé le compte Tipeee. Aujourd'hui, ça m'a permis d'améliorer déjà une certaine partie de mon matos. C'est très très loin de me permettre d'en vivre. Je pense que c'est très très difficile. Alors c'est pareil, je continue dans mes conseils aux vulgarisateurs qui voudraient se lancer. Si vous voulez vous lancer dans la vulgarisation scientifique sur YouTube pour en vivre, ça va être dur, très dur. Je pense que voilà, il y a les gens qui peuvent en vivre se comptent sur les doigts d'une main. Donc à moins que soudainement un nouveau modèle économique émerge qui permette effectivement aux vidéastes scientifiques d'en vivre, moi j'envisage pas spécialement d'en vivre. Comme je disais tout à l'heure à Valentine, finalement, le fait d'avoir un vrai métier à côté n'a que des avantages. Le seul inconvénient que ça a, c'est qu'avoir un vrai métier, ça prend du temps. Mais sinon, ça n'a que des avantages, parce que du coup, je veux dire, je ne suis pas dépendant de YouTube pour vivre, donc je peux faire la vidéo que je veux, j'ai aucune contrainte, je veux faire un sujet dont je pense que ça n'a pas marché, je m'en fous, si j'ai envie de le faire, je le fais. Enfin voilà, du coup, je suis totalement libre. Avec la possibilité du temps partiel. Ouais, alors ça, oui, c'est effectivement, on pourrait imaginer un truc. Peut-être que si le Palais de la Découverte me propose un temps partiel comme... Parlons sérieusement, c'était donc un entretien d'embauche. Bon, on arrive au moment promo de l'émission, là. On va parler un peu de ton livre, quand même, très rapidement. Donc, moi, je l'ai lu sur les deux derniers jours, parce qu'il se lit très vite, donc je vous invite à... En plus, il se lit aussi de manière décousue, si vous avez envie, donc c'est parfait pour mettre quelque part, les chapitres sont indépendants. Bon, alors... On en a déjà parlé, donc je ne vais pas trop revenir sur le fait que même s'il y a beaucoup de YouTubeurs en ce moment qui sortent un bouquin, toi c'est un projet qui est beaucoup plus vieux, qui entre autres est plus vieux que YouTube. Par contre, enfin, que ma chaîne. Que ta chaîne, pas que YouTube, c'est vrai. Bonne remarque. Par contre, en le feuilletant, on voit qu'il y a eu tout un travail d'édition qui je trouve est plus travaillé que la plupart des bouquins justement de blogueurs ou de YouTubeurs, en tout cas des bouquins écrits où ce n'est pas des bouquins d'illustrateurs. Et il y a toute une charte graphique, il est avec deux couleurs. Peut-être que tu peux nous parler un peu plus de ce projet et aussi de ta collaboration avec une illustratrice. Voilà. Alors, ouais, en fait, il y a eu un énorme travail d'édition sur ce bouquin. Donc, je cite l'éditeur, c'est chez Flammarion. L'éditeur qui s'est occupé de moi a fait vraiment un boulot incroyable. C'est un truc qu'on a du mal à imaginer quand on est de l'autre côté de la barrière, du côté du lecteur, à bien comprendre ce que c'est le travail d'édition. Je pense pas qu'on ait donné le titre, par contre, on peut le dire. Donc, c'est « Mais qui a attrapé le bison de Higgs ?» Et entre parenthèses, et autre question que vous n'avez jamais osé poser à haute voix, de David Loipre, pour ceux qui ont pas suivi. Et donc oui, l'histoire du travail d'édition, c'est qu'au départ, en fait c'est l'éditeur qui m'a contacté, qui connaissait le blog, et donc j'ai rapidement compilé quelques textes du blog que j'ai un peu retravaillé, et voilà. Et puis là, il m'a dit, ça va pas suffire, faut quand même trouver un peu de lien, quelque chose qui donne un peu un fil conducteur et tout. Et donc on a pas mal discuté sur comment on allait trouver un fil conducteur pour pas que ça soit juste une compile d'articles de blog décousus. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de ces petites intros de chacun des chapitres qui commencent par une petite scène généralement entre moi et une de mes gamines, où elle finit toujours par me poser une question du genre Pourquoi y a-t-il plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre ? Avec une date au début, façon journal de bord. Ouais, en fait, quand j'ai commencé à l'écrire, c'est vrai que c'est un peu superflu peut-être, mais c'est vrai que je trouvais ça amusant de le faire un peu façon. Ça donne un côté en fait plus vivant, je trouve. D'avoir une date, moi, je trouve que c'était une bonne idée, au contraire, parce qu'au début, je me posais la question de ça. Est-ce qu'on allait véritablement suivre ? Et ça narre quelque chose quand même, un déménagement. Oui, puis effectivement, il y a un petit un changement chronologique. C'est touchant, je trouve. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment l'éditeur qui m'a poussé à aller au-delà de la simple compile d'articles de blog. Et puis c'est aussi l'éditeur qui a eu l'idée de faire appel à Lison Bernet, donc qui est une illustratrice qui est notamment connue pour faire la BD du LHC. Et en fait, le jeu de mots avec le bison et le boson, en fait, ça vient de Lison. Donc on a repris son idée. Et voilà, je trouve que plus la mise en page aussi qu'en bichromie, donc avec deux couleurs, etc. Et donc je trouve que voilà, l'ensemble participe beaucoup à faire du livre un truc qui est un peu plus qu'une compile d'articles de blog. Et voilà, moi je trouve qu'il est sympa à regarder. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que tu probablement profiter de cette occasion-là pour pouvoir un tout petit peu plus exprimer ta plume, qui est notamment sur ces petites introductions à chaque fois. On sent qu'il y a un désir de faire peut-être quelque chose de plus écrit, de plus romancé. Est-ce que tu as déjà envisagé de faire des romans Ouais, alors en fait, non, des romans, non, mais parmi les multiples idées qu'on avait passées en revue avec l'éditeur à un moment donné, pendant quelques temps, j'avais un peu creusé une idée qui était de faire un peu un équivalent scientifique de ce bouquin qui s'appelle Le Monde de Sophie, que certains d'entre vous, ceux de ma génération, ont dû lire. Il était sorti à l'époque où j'étais en terminale, donc voilà, donc c'était le passage obligé. Et donc je m'étais dit, ah ouais, pourquoi pas un truc un peu romancé, mais qui passerait du coup à travers tous les domaines de la science, comme ça. Et alors quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, ah c'est super, faut absolument que je fasse ça et tout. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris Le Monde de Sophie. Je l'ai relu un peu en accéléré. J'ai trouvé ça assez chiant. et puis voilà. Et puis finalement, je me suis dit non, ça va pas le faire. Et donc j'ai un peu abandonné cette idée. Sachant que pour ceux qui ne l'auraient pas lu, il y a un très chouette bouquin qui brode un peu sur ce thème-là, qui est L'univers à portée de main de Christophe Galfard. Donc il fait uniquement de la physique fondamentale, mais il le fait très bien sur un mode un peu romancé. Il faut absolument que je lise. Ah, il est très très bien. Des critiques incroyables. Et je dis pas ça parce que c'est le même éditeur. Bien vu. Et qui, je crois, a écrit lui-même aussi la version anglaise, non ? En fait, il a d'abord écrit la version anglaise, voilà. Et il a été récemment traduit en français. Ah, je savais pas que c'était d'abord la version anglaise, du coup je vais lire la version originale. Est-ce que tu as déjà eu des velléités de simplement faire, non pas de la vulgarisation écrite, mais des romans par contre, ou de l'écrit de base, genre non. De la science-fiction, des polars? Non, le seul truc que j'ai eu des velléités d'écrire, c'est un opéra rock. Qui pour l'instant est resté au stade au stade très très embryonnaire. Je pense que le scénario n'a pas dû évoluer depuis 15 ans, mais voilà, mais romans non jamais. D'accord. C'est vrai que ça va plus vite d'écrire un opéra qu'un roman. Bah, je pensais à ça parce qu'il y avait une de tes vidéos que tu as fait notamment en collaboration avec Codemu. Ah oui. Et dans lequel on avait l'impression que tu t'étais farci à pratiquement l'intégralité de Saint John Perse que tu semblais avoir connaître par cœur. Est-ce que tu connais des poésies de Saint John Perse par cœur? Non, pas du tout. En fait, ce que je raconte dans la vidéo est tout à fait vrai, c'est-à-dire que j'avais un prof de français qui adorait Saint John Perse, et alors c'était complètement abscon pour nous. Je crois que je devais être en première. Et du coup, c'est marrant parce que ça m'est revenu quand j'ai tourné la vidéo, donc j'ai choisi de faire cette petite blague sur Saint John Perse. Et du coup, je me suis quand même mis à lire quelques textes et j'ai trouvé ça hyper bien. Donc je pense qu'il faudrait que je m'en fasse vraiment un. Ouais, mais je sais pas dans quel état il faut être pour lire du Saint John Perse en fait. C'est vachement musical en fait. Enfin, moi j'aime bien. Ah, d'accord. Enfin, ce que j'ai relu du coup à cette occasion, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Bah, du coup, tu nous as aussi titillé la curiosité sur ton opéra rock. De quoi il parlerait? C'est Einstein, l'opéra rock. Ah, ça. Einstein. Il parlera de la fin du monde. D'accord, oui, de la fin du monde. Rien que ça. On n'a pas vraiment de questions d'auditeurs, je crois. On en a une au moins qui, comme d'habitude, quand on reçoit des youtubeurs, qui sont plus des questions de programmation. Quand c'est que tu parles de la gravitation quantique à boucle? Oui. Alors, ça, donc, pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, c'est mon sujet de thèse. Et donc la gravitation quantique à boucle, c'est une des théories qui essaye d'unifier mécanique quantique et relativité générale. C'est un peu la théorie, entre guillemets, concurrente de la théorie des cordes. Donc c'était mon sujet de thèse, et donc j'aimerais bien effectivement faire une vidéo là-dessus un jour. Je l'ai promis déjà plusieurs fois, elle n'est pas encore écrite, mais voilà, je me suis fixé d'essayer de la faire avant l'été, donc je vais essayer de la faire avant l'été. Le but c'est que tu fasses avant la vidéo de Tesla de Bruce, c'est ça? Voilà, si on se met d'accord, je pense qu'on peut tenir encore longtemps comme ça. C'est ça. Je crois que c'était à peu près tout ce qu'on avait en question d'auditeur, du coup on va continuer sur la roue libre, t'es bien sûr invité à participer quand tu veux. Par contre, pour te prévenir, parce que je crois qu'on a oublié de te prévenir, mais t'es censé venir avec une citation. Si tu en as pas, tu as une dizaine de minutes pour en trouver une. Oh putain, ah oui c'est vrai que tu... j'ai apporté ça. La suite, c'est le pitch d'abord de la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, c'est Joanne qui nous prépare un truc tout à fait incroyable. C'est sur le paradoxe EPR, donc sur la relativité générale, ou encore, pour plus compréhensible que EPR, Einstein n'a jamais cru à la mécanique quantique, info ou intox. Donc vous avez forcément entendu cette phrase quelque part, Einstein n'a jamais cru à la mécanique quantique, ou Einstein ne comprenait rien à la mécanique quantique, ou encore le célèbre Dieu ne joue pas au dé. Associé à la figure du scientifique semi-divine d'Einstein, ce genre d'anecdote est souvent utilisé pour expliquer que la mécanique quantique est particulièrement incompréhensible, voire fausse, ou que même les plus grands scientifiques sont dogmatiques et réfractaires à toute nouvelle théorie. Ce qui permet souvent à n'importe quel tartempion construisant son moteur perpétuel à la graisse de phoque dans son garage de se déplacer comme un incompris fissurant le dogme de la science. Eh bien, il était motivé, Johan. Cependant, la publication du travail sur l'effet photoélectrique en 1905 pour laquelle il reçut son prix Nobel, en particulier au congrès de Solvay dans les années 20 et la formulation en 1935 du célèbre paradoxe EPR, sont d'autant de signes qu'il a pourtant été un moteur incontestable du succès de la jeune théorie. Ce qui nous amène donc à la question, Einstein n'a jamais cru à la mécanique quantique, info ou intox? C'est bien parce que c'est exactement sur ce thème-là la vidéo que j'ai regardée aujourd'hui de Science Étonnante. Ah. Okay. Probable qu'il a regardé une vidéo de toi justement sur ce thème-là. Absolument. Voilà. Bon, alors la quote, on a dit qu'on allait attendre un peu pour lui laisser du temps. Donc je vous propose d'écouter la réponse au quiz du mois. Parce que Alan a fait ses devoirs et il a proposé une réponse au quiz. Je vous rappelle pas ce que c'est le quiz parce que tout le monde est bien sûr au courant. À Robin. Il n'y avait pas de quiz en ce moment. A priori. Alan a préparé une réponse, donc je vous laisse écouter et nous on essaie de se nourrir un peu. Coucou les loulous. Cette semaine, je dois répondre à la question « Manger des noyaux de cerise ou avaler ses ongles quand on les ronge peut provoquer l'appendicite, info ou intox ?» J'ai 30 minutes chrono pour trouver la réponse, rédiger un petit truc, l'enregistrer, l'uploader et la refiler à Nico pour diffusion dans l'émission Roue Libre de ce soir. Alors ça va aller très vite. Il se trouve que, comme la dernière fois, avec l'histoire de la bière après le sport, je n'ai pas trouvé des masses de réponses là-dessus. Aucune dans mes différents livres de débunkage de mythes, aucune réponse car la question n'y figurait même pas, rien non plus en ligne dans les mines d'or de sites où je trouve habituellement mes pépites, notamment Snopes et The Straight Dope, et je crois bien que je suis en train de pondre la première réponse sérieuse de l'Internet mondial à cette croyance, semblerait-il assez peu répandue. Johan, avoue, tu l'as inventé de toutes pièces, ce mythe. Ou alors, tu avais des parents très créatifs étant petit. Et je plaisante. J'en ai quand même trouvé quelques traces, notamment sur tous les sites que je recommande à tout le monde d'éviter, comme les Yahoo Answers ou les pseudo-sites de santé qui font l'apologie des remèdes alternatifs sans jamais citer leurs sources. Bref, avaler ses ongles ou des noyaux de cerise provoque-t-il l'appendicite ? Alors pour les rainures d'ongles, on oublie tout de suite. Si vous étiez un éléphant, ce serait peut-être une autre histoire. Mais pour un humain, avec ses petits ongles, et qui n'en ronge qu'un tout petit bout à la fois, aucune chance pour la rainure d'atteindre l'appendice. Elle est dissoute par les sucs gastriques de l'estomac avant même de commencer son voyage dans l'intestin. En tout cas, c'est ce qu'affirme le docteur Jacqueline Varnet, hépato-gastro-entérologue, dans une vidéo très sympa qu'on déniche en tapant « cradologie » et « ongles » dans Google. Alors bon, ok, c'est juste l'avis d'un médecin, mais devant l'absence criante de témoignages indiquant des déchirures de parois intestinales dues à des ongles coupants non dissous par les acides de l'estomac, et vu le temps à ma disposition, je suis prêt à accepter cette réponse comme valide. Intox donc quant aux ongles. Mais alors, quid des noyaux de cerise ? Eh bien là, je n'ai pas pu me contenter de ce que je trouvais sur l'Internet mondial, même sur des sites relativement fiables. Car ils ne citent jamais aucune source et fournissent des informations parfois contradictoires. Genre, le noyau ne pourrait pas entrer dans l'appendice, car son diamètre ne dépasse le diamètre de l'appendice, donc ne dépasse jamais 2 mm. Or, il suffit de passer 2 secondes sur Wikipédia pour apprendre que l'appendice iléo-sécal, c'est comme ça que ça s'appelle, sécal, C-A-E-C-A-L, a une taille variable selon les individus, mesurant de 6 à 12 cm de longueur pour un diamètre de 4 à 8 mm. En termes de géométrie, donc, il pourrait totalement abriter un noyau de cerise. Ah oui, mais alors, qui croire ? Eh bien, dans ces cas-là, rien ne vaut un petit papier scientifique à comité de lecture. Ni une ni deux, je me suis précipité sur Google Scholar, et à ma stupeur absolue, je suis tombé sur un papier de 1998, disponible sur ResearchGate, intitulé « True Stories », et qui relate une recherche portant sur tous les cas d'appendicite d'Adélaïde en Australie entre 1972 et 1997. Sur 2224 cas consécutifs d'appendice retiré, 1409 étaient des appendicites aigus à coup sûr. Et on a retrouvé une trace de noyau de fruit dans un seul de ces 1409 cas, chez une fillette de 3 ans. Un examen pathologique de l'appendice retiré a révélé la présence d'un noyau de fruit, sphérique, d'une taille de 10 mm, qui n'a pas été analysé avec des moyens modernes. L'article précise en gros qu'un vendeur de fruits aurait confirmé qu'il s'agissait bien, selon son œil expert, d'un noyau de cerise. Voilà. Je sais pas vous, mais moi, je suis sur le cul. Je m'attendais à pouvoir brandir une belle intox, haut et fort, mais apparemment, même si c'est complètement improbable, ce n'est pas complètement impossible de provoquer une inflammation de l'appendice avec un noyau de cerise. Alors bon, vous me direz, c'est une étude isolée qui n'a jamais été confirmée ou infirmée par d'autres travaux, et l'histoire de l'identification du noyau de cerise procède d'une méthodologie tout à fait discutable. On est d'accord, c'est difficile de trancher. Mais c'est néanmoins une étude tout ce qu'il y a de plus respectable, conduite par des chercheurs, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Et si quelque chose ou quelqu'un doit venir remettre cette étude en question, ce sera une autre étude, ce ne sera certainement pas moi. Donc, sur l'histoire du noyau de cerise qui, avalé, peut provoquer une appendicite, même si c'est extrêmement rare, même si c'est extrêmement improbable, et même si j'y perds ma réputation de monsieur intox, eh bien, ça me fend le cœur, ça m'arrache la langue, mais je suis bien obligé de répondre. Info. À la prochaine fois, en lançant un quiz, pensez à moi, les amis. Arrangez-vous pour que je doive répondre à un tox, s'il vous plaît. Servir la science, c'est OK, mais j'aimerais bien que ce soit dans la joie, si possible. Allez, à bientôt. Gros bisous. Bon, bah merci, Alan. Il a sacrément bien bossé, là, pour... En une demi-heure, il a dit. Pour son papier. Voilà. En une demi-heure, il a... J'ai mis dans la le papier dont il parlait, sur lequel il a fait ses recherches. Donc voilà, ce qui permet de dire que ne mangez, n'avalez pas vos grains de raisin. Mais par contre, les ongles, vous pouvez y aller, quoi. Ça, c'est important, parce que c'était ça, moi, qui m'angoissais. Hein. C'est ça. Ok. Bon, bah, je crois que ça y est, David a pu trouver une côte. En fait, il le savait depuis le début, on l'avait prévenu. Bon, David, t'en avais mieux. Ouais, non, alors non, mais du coup, bon, j'étais pas prévenu, donc j'ai essayé de rapidement brainstormer avec moi-même. Alors, je vais faire une citation qui est pas sourcée, dont je ne connais pas l'auteur, etc., mais qui est une citation qui m'inspire assez régulièrement quand j'essaie de faire, soit même de créer un article de blog ou de faire une vidéo. Donc, c'est une citation qui dit que un bon speech, c'est comme une mini-jupe. Il faut que ce soit suffisamment court pour maintenir l'excitation, mais suffisamment long pour couvrir tout ce qui a besoin d'être couvert. On parle un peu de machisme sur YouTube, bravo. Ou pas ? Ouais, franchement... Allons bon. Et donc on sait pas de qui elle est, par contre. Non, je... Elle est David. Bon, bah donc on va dire qu'elle est toi. Elle, hein, va me suivre, ouais, maintenant. Okay, c'est marrant, parfait, parce que j'avais globalement exactement la même citation à propos des sondages, des statistiques, des trucs comme ça. Enfin bon, c'est... Oui, il y en a une sur les statistiques qui est assez similaire. Ouais. Alors, juste quelques petits plugs. La semaine prochaine, donc, dossier de Johan, et nous avons un peu rien dans le pipe les semaines suivantes. Donc, si vous avez envie de nous proposer des dossiers, c'est temps. Bon, par contre, on va vous mettre dans le flux des émissions qui ont été passées. Il y a l'émission des œufs qui est montée et qui va arriver dans le flux là sous peu et qui était topissime. Hélas, je crois qu'on n'a pas la version vidéo de ce qu'a fait Monsieur Génial, mais il fallait venir, quoi, qui nous... Mais j'en ai qu'un bout, en fait. Voilà. Et on a aussi Lyon Science qui devrait arriver dans le flux. Donc nous, on va vous mettre l'intégrale d'un coup. Et sinon, il y a les vidéos aussi sur YouTube si vous voulez voir des extraits. Voilà, voilà. Les deux étaient absolument géniaux. Et de toute façon, sur Lyon Science, il ne faut pas se contenter des vidéos ou du son. Il faut aussi aller voir la pelletée de dessins qui a été faite. Et pour les œufs, pareil. Donc, pour les œufs, c'est la folie. Valentine était là pour faire aussi des dessins et on te remercie beaucoup parce que tes dessins étaient remarquables ainsi que tous les autres qui ont quand même pallié un grand manque pour cette émission Radio Dessinée. Il n'y avait pas FIP. Il n'y avait pas FIP et ils ont quand même fait une production. C'est, Ludo a fait le calcul. C'était chacun des dessinateurs a dû faire une moyenne d'un dessin toutes les 10 minutes, un truc comme ça. Enfin, ils étaient fous, quoi. C'est dingue. Et là, Val nous a fait combien ? 5 dessins ? Ouais, quand même, c'est assez conséquent. Bravo. Merci. Encore merci. Et sinon, donc, si vous nous écoutez en différé, vous êtes habitués à des bonus après le générique, donc ne zappez pas. Alan vous a préparé un petit bonus. Si vous avez aimé l'interview avec Carl Zimmer, bah, il va vous lire le premier chapitre de Planète Virus en audio, rien que pour vous. Et si vous voulez le lire en entier, bah, vous pouvez faire dès maintenant pression sur l'éditeur. Je suis sûr qu'il craquera pour qu'il y ait une version audio. Donc voilà, voilà. J'ai un dernier plugin. Vas-y. Ok, que je ne l'ai pas noté. Donc, le 23 et 24 avril, Vidéoscience sera présent à la Néocast. On a un stand central, on apparaîtra sur la grande scène. On aura aussi une salle d'activité dans laquelle on organisera une table ronde avec Fred de l'Esprit Sorcier pour parler de vulgariser sur Internet. Et ça va être assez génial, à mon avis, parce qu'on aura sur le stand des expériences, il y aura des jeux, il y aura des quiz avec des vidéastes, etc. À mon avis, ça va être juste épique. Donc, nous allons conquérir le monde. On va essayer, en tout cas. En tout cas, on aura des biscuits. Donc, peut-être qu'au moins, on attirera des gens. Et c'est à Strasbourg, à la Néocast, donc 23-24. Je crois qu'il reste encore des places. Voilà. Donc, dépêchez-vous. Voilà, voilà. Bah, écoutez, sur ce, on va conclure. On va remercier David d'être venu nous voir. Merci de m'avoir invité. C'était plaisir. C'était un plaisir. Donc, si vous voulez l'entendre, vous pouvez aller sur YouTube. Voilà. Si vous avez un peu plus d'argent, vous pouvez acheter son livre. Si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez lire son blog. Tout ça sur l'internet mondial. Donc, science étonnante, c'est peut-être plus facile que David Loapre à taper et à trouver. Oui, c'est vaut mieux taper ça. Et voilà, voilà. Merci aussi à Valentine qui nous a fait combien de dessins du coup ? 2 ou 3 ? Plus que ça. J'ai même pas encore. J'ai pas tout vu. 5, mais je vais repartir avec si elle me laisse les prendre. Production. Merci pour les pizzas. Voilà, voilà. Tu veux peut-être faire la pub pour ta chaîne aussi ? Parce qu'il y a une super vidéo sur les pigeons pour découvrir que les pigeons sont pas si cons en fait. Ouais, voilà. Bah, tout est dit du coup. Mais je peux faire la pub pour mon blog qui s'appelle Science de comptoir au Café des Sciences. Et il est cool, voilà. Tu fais partie donc de ces gens qui font des vidéos avec le même titre que leur blog. Oui. Ouais. Ça commence à être une secte. Hein. Ouais, je trouve ça très très bien. Moi j'ai une, okay. J'ai une chaîne aussi. Et sur ce, donc on se retrouve de la semaine prochaine. Et la collab, Pierre. Hein ? On a une collab prévue d'ailleurs. Ah bon ? On n'en a pas reparlé, mais. D'accord, ok, tu m'as. On se retrouve la semaine prochaine du coup. Je vais conclure un peu pour parler donc de savoir un nouveau quiz finalement, info ou intox, est-ce que Einstein était nul en mécanique quantique ou pas ? Et d'ici là, bah, propagez la science un peu partout. Vous pouvez nous parler sur notre site podcastscience.fm, sur YouTube, sur SoundCloud, sur iTunes, sur tout l'internet mondial. Et donc, bah, d'ici la semaine prochaine, que servir la science soit votre joie. Servir la science de notre joie. Un fluide vivant contagieux, le virus de la mosaïque du tabac est la découverte de la virosphère. Les montagnes arides de la Sierra de Naïka s'étendent à 80 km au sud-est de la ville de Chihuahua, au Mexique. En 2000, des mineurs s'engouffrèrent dans un réseau de grottes sous ces montagnes désolées. À 300 mètres de profondeur, ils débouchèrent dans un lieu semblant appartenir à un autre monde. Ils se tenaient dans une salle d'une dizaine de mètres de large et de 27 mètres de long. Le plafond, les murs et le sol étaient couverts de cristaux de gypse lisses et translucides. Beaucoup de grottes contiennent des cristaux, mais pas comme ceux de Naïka. Les cristaux y atteignent 11 mètres de long et pèsent jusqu'à 150 tonnes. Des cristaux de ce genre, on ne les porte pas autour du cou. On les escalade. Depuis sa découverte, seuls quelques scientifiques ont été autorisés à explorer cette salle extraordinaire, connue sous le nom de Grotte des Cristaux. Juan Manuel Garcia Ruiz, géologue à l'Université de Grenade, fut l'un d'eux. Ses recherches lui permirent de déterminer l'âge des cristaux. Ils se formèrent il y a 26 millions d'années, quand l'activité volcanique commença à façonner la Sierra de Naïka. Des poches souterraines se créèrent et se remplirent d'eau chaude chargée en minéraux. La chaleur du magma maintint l'eau à 57,7 degrés, la température parfaite pour la germination et la croissance des cristaux. Curieusement, l'eau conserva cette température idéale durant des centaines de milliers d'années, permettant aux cristaux d'atteindre des tailles surréalistes. En 2009, un autre scientifique, Curtis Suttle, visita la grotte des cristaux. Suttle et ses collègues prélevèrent de l'eau dans le bassin de la salle et la rapportèrent dans leur laboratoire de l'Université de la Colombie-Britannique pour l'analyser. Quand on sait dans quel domaine travaille ce chercheur, on peut se demander s'il n'était pas tombé sur la tête. Suttle n'a aucun intérêt professionnel pour les cristaux, les minéraux ou quelques roches que ce soit d'ailleurs. Il étudie les virus. Dans la grotte des cristaux, les virus ne peuvent infecter personne. Il n'y a même pas de poissons. La grotte a été hermétiquement coupée du reste du monde pendant des millions d'années. Pourtant, le voyage de Suttle se révéla utile. Après avoir préparé ses échantillons d'eau cristalline, il les contempla au microscope. Il vit des virus. Des myriades de virus. Chaque goutte d'eau de la grotte des cristaux ne contenait pas moins de 200 millions de virus. La même année, une autre scientifique, du nom de Dana Wilner, mena sa propre expédition de chasse aux virus. Au lieu d'explorer une grotte, elle se plongea dans le corps humain. Wilner fit expectorer des gens dans un récipient, puis, avec ses collègues, partit à la pêche aux fragments d'ADN. Ils les comparèrent aux millions de séquences enregistrées dans leur base de données. Une grande proportion était de l'ADN humain, mais de nombreux fragments provenaient de virus. Avant l'expédition de Wilner, les scientifiques partaient du principe que les poumons de patients sains étaient stériles. Pourtant, Wilner découvrit que les gens ont en moyenne 174 espèces de virus vivant dans leurs poumons. Seulement 10% des espèces de virus découvertes par Wilner ressemblaient vaguement à des espèces déjà connues. Les 90% restants étaient tout aussi étranges que les virus tapis dans la grotte des cristaux. Où que les scientifiques regardent, dans les profondeurs de la Terre, sur des grains de sable arrachés au désert du Sahara, dans des lacs cachés 1,5 km sous la glace de l'Antarctique, ils découvrent des virus plus rapidement qu'ils ne peuvent les comprendre. Et la virologie est encore une science jeune. Pendant des milliers d'années, nous ne connaissions les virus qu'à travers leurs effets, la maladie et la mort. Jusqu'à récemment, nous ne savions même pas comment relier ces effets à leur cause. Le terme même de virus naquit d'une contradiction. Il nous vient de l'Empire romain, où il désignait à la fois le sperme humain et le venin du serpent. La création et la destruction dans un même mot. Quelques siècles plus tard, le mot virus prit un autre sens. Il désignait désormais n'importe quelle substance capable de propager des maladies. Il pouvait s'agir d'un liquide, comme le suintement d'une plaie. Il pouvait s'agir d'une substance qui voyageait mystérieusement dans l'air ou qui pouvait même imprégner un bout de papier, propageant la maladie au moindre contact. Ce n'est qu'à la fin des années 1800 que le mot « virus » commença à prendre son sens moderne grâce à une catastrophe agricole. Aux Pays-Bas, les plantations de tabac furent décimées par une maladie qui rendait les plants chétifs et transformait leurs feuilles en une mosaïque de tissus morts-vivants. Des exploitations entières durent être abandonnées. En 1879, des fermiers néerlandais consultèrent Adolf Meyer, un jeune chimiste agricole, pour obtenir son aide. Meyer étudia attentivement le fléau qu'il baptisa « maladie de la mosaïque du tabac ». Il examina l'environnement des plantes, le terrain, la température, l'ensoleillement. Il ne trouva rien qui distinguât les plantes saines des plantes malades. Peut-être, pensa-t-il, les plantes souffraient-elles d'une infection invisible ? Les botanistes avaient déjà démontré que des champignons pouvaient infecter les pommes de terre et d'autres plantes. Alors Meyer chercha des champignons sur les plants de tabac. Il n'en trouva aucun. Il chercha à savoir si des vers parasites infectaient peut-être les feuilles. Rien. Finalement, Mayer entreprit d'extraire de la sève des plantes de tabac malades et en injecta quelques gouttes dans des plantes saines. Les plantes saines tombèrent malades. Mayer comprit qu'un agent pathogène microscopique devait se multiplier à l'intérieur des plantes. Il prit de la sève de plantes malades et l'incuba dans son laboratoire. Des colonies de bactéries commencèrent à se former. Elles se développèrent suffisamment pour qu'on pût les voir à l'œil nu. Mayer exposa des plantes saines à ces bactéries, se demandant si elles développeraient la maladie de la mosaïque du tabac. Il n'en fut rien. Et sur cet échec, les recherches de Mayer prirent fin. Le monde des virus n'avait pas livré ses secrets. Quelques années plus tard, un autre scientifique néerlandais du nom de Martinus Beierink reprit les recherches où Mayer les avait laissées. Il se demanda si la maladie de la mosaïque du tabac pouvait être causée par autre chose que des bactéries, quelque chose de bien plus petit. Il broya des plantes malades et passa le fluide dans un filtre assez fin pour ne laisser passer ni les cellules végétales ni les bactéries. Lorsqu'il injecta le liquide purifié dans des plantes saines, elles tombèrent malades. Beierink filtra la sève des plantes nouvellement infectées et constata qu'il pouvait toujours infecter de nouvelles plantes. Quelque chose dans la sève des plantes infectées, quelque chose de plus petit que des bactéries, pouvait se répliquer et répandre à la maladie. En 1898, Beierink nomma cela un fluide vivant contagieux. Quel que soit l'agent véhiculé par ce fluide vivant contagieux, sa nature était différente de toutes les formes de vie connues des biologistes. Il était non seulement incroyablement petit, mais aussi remarquablement résistant. Beierink pouvait ajouter de l'alcool au liquide ou le porter à la limite de l'ébullition, il restait tout de même contagieux. Beierink trempa du papier filtre dans la sève contagieuse et le laissa sécher. 3 mois plus tard, il plongea le papier dans l'eau et put de nouveau utiliser la solution pour infecter des plantes. Beierink utilisa le mot « virus » pour décrire l'agent mystérieux de son fluide vivant contagieux. C'était la première fois qu'on l'utilisait dans son sens moderne. Mais d'une certaine manière, Beierink s'en servit pour définir les virus par ce qu'ils n'étaient pas. Il ne s'agissait ni d'animaux, ni de plantes, ni de champignons, ni de bactéries. Ce que c'était exactement, Beierink ne sut le dire. Il devint vite clair que Beierink n'avait découvert qu'un type de virus parmi tant d'autres. Au début des années 1900, d'autres scientifiques utilisèrent la même méthode de filtre et d'infection pour faire le lien entre d'autres virus et maladies. Ils finirent par apprendre comment cultiver certains virus hors de leur hôte vivant, animaux ou plantes, en utilisant uniquement des colonies de cellules cultivées dans des boîtes ou des fioles. Toutefois, ces scientifiques n'arrivaient toujours pas à s'accorder sur la véritable nature des virus. Pour certains, il s'agissait de simples composés chimiques. Pour d'autres, les virus étaient des parasites qui se développaient à l'intérieur des cellules. La confusion était telle que les scientifiques n'arrivaient même pas à décider si les virus étaient vivants ou non. En 1923, le virologue britannique Frederick Twort déclara « Il est impossible de définir leur nature ». Cette confusion commença à se dissiper avec les travaux d'un chimiste nommé Wendell Stanley. Dans les années 1920, alors qu'il était étudiant en chimie, Stanley apprit comment combiner des molécules en motifs répétitifs pour former des cristaux. Ceux-ci pouvaient en effet révéler les secrets de la matière. On pouvait par exemple bombarder les cristaux au rayon X et observer dans quelle direction le rayonnement était réfléchi. Les motifs produits par les rayons X fournissaient des indices sur les molécules constituant les cristaux. Au début des années 1900, ce sont les cristaux qui permirent de résoudre l'une des plus grandes énigmes de la biologie, la composition des enzymes. Les scientifiques savaient depuis longtemps que les enzymes sont produites par des animaux et par d'autres organismes vivants pour accomplir certaines tâches, comme décomposer la nourriture. En créant des cristaux d'enzymes, ils découvrirent qu'elles étaient faites de protéines. Stanley se demanda si les virus étaient eux aussi faits de protéines. Pour le savoir, Stanley commença par essayer de créer des cristaux à partir de virus. Pour sa tentative, il choisit une espèce familière, le virus de la mosaïque du tabac. Il récolta le jus de plants de tabac infecté, puis le passa à travers des filtres fins, comme Beierink 4 décennies plus tôt. Pour permettre au virus de cristalliser sans impureté, il essaya d'isoler les protéines en retirant tous les autres types de composés. Après qu'il eut préparé son mélange purifié, Stanley observa de minuscules aiguilles s'y former. Elles se développaient en formant des feuillets opalescents. Pour la première fois de l'histoire, quelqu'un pouvait voir des virus à l'œil nu. Ces cristaux de virus étaient à la fois aussi robustes qu'un minéral et aussi vivants qu'un microbe. Stanley pouvait les conserver pendant plusieurs mois, comme du sel dans un garde-manger. Quand il mettait les cristaux dans l'eau, ils redevenaient ces êtres invisibles capables d'infecter les plants de tabac de manière aussi virulente qu'auparavant. L'expérience de Stanley, qu'il publia en 1935, éblouit le monde. Le New York Times déclara « La vieille distinction entre la mort et la vie perd de sa validité ». Mais Stanley avait également commis une petite erreur, petite mais grave. Les scientifiques britanniques Norman Pyrie et Fred Bowden découvrirent en 1936 que les virus ne sont constitués qu'à 95% de protéines. Les 5% restants sont constitués d'autre chose, une mystérieuse molécule en forme de brin appelée acide nucléique. Ce n'est que bien plus tard qu'on devait découvrir que les acides nucléiques sont le support des gènes, les instructions pour fabriquer des protéines et d'autres molécules. Nos cellules stockent leurs gènes dans des acides nucléiques à double brin, connus sous le nom d'ADN, abréviation d'acide désoxyribonucléique. De nombreux virus ont eux aussi des gènes inscrits sur de l'ADN. D'autres virus, comme le virus de la mosaïque du tabac, ont une forme d'acide nucléique à un seul brin, appelé acide ribonucléique ou ARN. 4 ans après la cristallisation des virus de la mosaïque du tabac par Stanley, une équipe de scientifiques allemands parvint finalement à observer les virus de façon individuelle. Dans les années 1930, des ingénieurs inventèrent une nouvelle génération de microscopes capables de voir des objets bien plus petits qu'auparavant. Gustav Kausch, Edgar Pfannkuch et Helmut Ruska mélangèrent des cristaux de virus de la mosaïque du tabac à de l'eau purifiée et les placèrent sous l'un de ces nouveaux instruments. En 1939, ils rapportèrent avoir observé de minuscules bâtonnets mesurant environ 300 nanomètres de long. Personne n'avait jamais rien vu de vivant à une échelle si infime. Pour vous faire une idée de la taille d'un virus, déposez un grain de sel sur une table. C'est un cube minuscule. Regardez-le attentivement. Sur un seul de ses côtés, on pourrait aligner environ 10 cellules de peau, ou une centaine de bactéries, ou un millier de virus de la mosaïque du tabac mis bout à bout. Durant les décennies qui suivirent, les virologues continuèrent de disséquer des virus pour cartographier leur géographie moléculaire. Les virus contiennent des acides nucléiques et des protéines, comme nos cellules, et pourtant, les scientifiques découvrirent de nombreuses différences entre les structures des virus et celles des cellules. Une cellule humaine contient des millions de molécules différentes, qu'elle utilise pour percevoir son environnement, se déplacer, se nourrir, croître, et décider si elle doit se diviser en deux ou se suicider pour le bien des cellules voisines. Les virologues comprirent que les virus, en règle générale, sont bien plus simples. Le plus souvent, il s'agit juste de coques en protéines contenant quelques gènes. Les virologues découvrirent que les virus peuvent se répliquer, malgré leurs instructions génétiques rudimentaires, en détournant d'autres formes de vie. Ils injectent leurs gènes et leurs protéines dans une cellule hôte qu'ils manipulent de sorte qu'elles produisent de nouvelles copies d'eux-mêmes. Un virus entre dans une cellule et, en une journée, des milliers de virus en ressortent. Les virologues avaient compris ces faits essentiels dès les années 1950. Mais cela ne signifia pas la fin de la virologie pour autant. Les virus peuvent nous rendre malades de nombreuses façons, mais les virologues ne savaient pas comment. Ils ignoraient comment les papillomavirus peuvent produire des cornes chez les lapins et causer des centaines de milliers de cas de cancer de l'utérus chaque année. Ils ignoraient ce qui rendait certains virus mortels et d'autres inoffensifs. Ils devaient encore comprendre comment les virus échappent aux défenses de leurs hôtes et comment ils font pour évoluer plus rapidement que n'importe quel autre vivant sur la planète. Dans les années 1950, ils ne savaient pas qu'un virus que l'on nommerait plus tard VIH était déjà passé des chimpanzés et des gorilles à notre espèce, ni que 30 ans plus tard, il deviendrait l'un des pires tueurs de l'histoire. Ils n'auraient pas pu imaginer le vaste nombre de virus qui existent sur Terre et n'auraient jamais pu envisager qu'une part importante de la diversité génétique du vivant soit portée par les virus. Ils ignoraient que les virus contribuent à la production d'une grande partie de l'oxygène que nous respirons et à la régulation du thermostat de la planète. Et ils n'auraient certainement jamais deviné que le génome humain est en partie composé de milliers de virus qui ont infecté nos lointains ancêtres, ou encore que ce sont peut-être les virus qui ont initié, il y a 4 milliards d'années, la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, les scientifiques savent ces choses, ou pour être plus précis, ils savent qu'elles existent. Ils reconnaissent désormais que, de la grotte des cristaux au monde intérieur du corps humain, la Terre est une planète de virus. Leur compréhension est encore rudimentaire, mais c'est un bon début. Alors, débutons, nous aussi. Vous avez entendu le premier chapitre de Planète de virus de Carl Zimmer, paru en mars 2016 dans la collection Science à plume aux éditions Belin et interprété par Alan. Nous espérons que cet extrait vous aura donné envie de lire la suite. Rendez-vous dans votre librairie préférée si vous n'y êtes pas encore. La musique que vous avez pu entendre en début et en fin de lecture est signée Eduardo Rodar. Vous la trouvez sous le titre Suspenso sur jamendo.com, le site de la communauté de musiciens indépendants.